إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 59 dans l'explication du résumé de Kitab al-Tawhid al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Et on est arrivé donc aujourd'hui au chapitre numéro 53 Babun Qawlu Allahumma ghfir li in shi't, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été dit sur le fait de dire Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Ensuite le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il mentionne le hadith. Il dit وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. Donc c'est un hadith rapporté par Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne dise pas lorsqu'il fait une invocation Oh Allah, pardonne-moi si tu veux, ou Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux, mais qu'il soit déterminé dans la demande qu'il fait, parce que Allah, personne ne peut le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et dans une autre narration selon l'imam Muslim, parce que le premier est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, cette narration, la deuxième est rapportée par l'imam Muslim, et dans cette deuxième narration, cette deuxième version, ça dit وَلْيُعَظِّمَ الرَّغْبَةَ et qu'il est يعني وَلْيُعَظِّمَ الرَّغْبَةَ, c'est-à-dire qu'il demande ce qu'il demande avec un désir, hein, un grand désir ou un grand besoin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est trop grand pour lui, hein, lorsqu'il donne quelque chose. Il n'y a rien qu'il donne qui est trop grand qu'on puisse pas lui demander. Et donc le cheikh explique maintenant, il dit munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid lamma kana qawlu allahumma ighfir li in shi't يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب والاستغناء عن الله من ناحية يشعر بأن الله تعالى قد يأطره شيء إلى فعل ما يفعل وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد ولذلك ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. Donc le cheikh, il explique que la raison pour laquelle il a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est yani parce que lorsque quelqu'un dit par exemple « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux », ça donne l'impression ou ça implique que la personne qui demande, elle n'a pas vraiment besoin de ce qu'elle demande, ou qu'elle donne peu d'importance à la chose demandée, et ça montre également que la personne, elle n'a pas besoin nécessairement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme si elle dit, si tu veux, aide-moi ou pardonne-moi, ou ainsi de suite, mais si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Donc c'est comme si la personne, elle demande en réalité sans vraiment avoir, c'est-à-dire elle demande mais sans vraiment avoir un grand besoin de la chose dont elle demande. Elle demande de façon désintéressée. Donc ça c'est d'un point de vue. Ça c'est un des problèmes avec le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de demander en disant « si tu veux » à la fin. Ou bien, ça, d'un autre point de vue aussi, ça donne l'impression que Allah subhanahu wa ta'ala serait forcé de faire ce qu'il fait. Hein, c'est comme si, par exemple, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a peur de lui imposer quelque chose, comme si on allait le forcer en lui disant « oh Allah, donne-moi telle chose » ou « pardonne-moi », comme si on lui ordonnait, hein, comme si on pouvait le forcer. Et dans ces deux raisons-là, ou dans ces deux points de vue-là, il y a quelque chose qui est interdit ou qui oppose le tawhid. Et c'est pour cette raison-là que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid pour expliquer qu'est-ce qui a rapport avec cette question-là. Donc, le cheikh Al-Fawzan il explique, premièrement, les termes qui sont mentionnés dans ce chapitre. باب قول الله أو bien قول اللهم اغفر لي إن شئت. Ça c'est le titre. Donc le cheikh il dit أي أنه لا يجوز. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis lorsqu'on fait un dua de dire oh Allah pardonne-moi si tu veux. Et il mentionne donc par la suite في الصحيح, c'est-à-dire dans الصحيحين, dans البخاري مسلم. Il est attribué, donc c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال لا يقول أحدكم, que l'un d'entre vous ne dise pas, Allahumma اغفر لي إن شئت, ou Allah pardonne-moi si tu veux, ou bien Allahumma ارحمني إن شئت, ou Allah fais-moi miséricorde si tu veux. وليعظم وليعظم المسألة وليعظم المسألة للشيخ الفوزان الذي أي ليجزم في طلبه ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة. C'est-à-dire que la personne qui demande, quand elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle demande avec conviction, avec certitude dans sa demande, avec fermeté dans sa volonté de vouloir demander et de voir son désir ou son besoin être réalisé, et qu'elle soit certaine de la réponse et certaine que Allah va l'exaucer. Elle doit être déterminée dans sa demande. Hein? Et ensuite il dit fa inna Allah la mukriha lah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut lui imposer quoi que ce soit ou le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. La mukriha la, et le cheikh il dit ay la yattaruhu du'a'un wa la ghayruhu ila fi'li shay. C'est-à-dire l'invocation qu'on fait, ou quoi que ce soit d'autre, ne peut forcer Allah subhanahu wa ta'ala ou imposer à Allah subhanahu wa ta'ala de faire quoi que ce soit. Parce que Allah il ne fait que ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala, selon sa sagesse, selon sa grandeur. Et il dit ensuite وَلْيُعَظِّمْ رَغْبَةً بِتَجْدِيدِ الظَّاء وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةً أَنْ يُلِحَ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ. Quand il demande, quand il a un besoin quelconque, eh bien qu'il demande avec insistance, qu'il demande avec, avec vraiment avec son besoin, qu'il soit qu'il fasse sentir son besoin lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ أي لا يَكْبُرُ وَلَا يَعْصُرُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire que lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il n'y a rien qui est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a rien qui lui est difficile. Donc il ne faut pas penser comme si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est trop lui demander, hein, ou que c'est quelque chose de difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite wal ma'na al ijmali lil hadith yanha sallallahu alayhi wa sallam عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله على المشيئة ويأمر بعزم الطلب دون تعليق ويعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائه إلى قضائها وهذا خلاف الحق فإنه هو الغني الحميد الفعال لما يريد كما يشعر ذلك بفتور العبد في الطلب واستغنائه عن ربه وهو لا غنى له عن الله طرفة عين. Donc le cheikh il dit ensuite que la signification globale de ce hadith c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit dans ce hadith de demander le pardon ou la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala en disant si tu veux. Donc tu ne vas pas demander oh Allah donne-moi telle chose si tu veux, pardonne-moi si tu veux, donne-moi la miséricorde si tu veux. Non, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec détermination. Hein, et certitude que Allah va t'exaucer. Parce que lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala en disant si tu veux, ça donne l'impression que c'est comme si c'était quelque chose qui était lourd pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ou l'impression que c'est comme si l'impression que tu peux forcer Allah subhanahu wa ta'ala à faire quelque chose. Et ça, bien entendu, c'est contraire à la vérité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se suffit à lui-même, et qui est riche, et qui est digne de louange, et qui fait ce qu'il veut. Donc personne ne peut le forcer à faire quelque chose. Donc quand tu l'invoques en lui demandant avec détermination, avec certitude. Et tu lui demandes, hein, oh Allah, donne-moi, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, fais-moi miséricorde, oh Allah, et ainsi de suite. Et tu demandes comme ça avec certitude. Et ici aussi, ça dit que lorsque tu demandes en disant si tu veux, à la fin de ta demande, ça donne aussi l'impression que la chose que tu demandes, tu n'en as pas vraiment besoin. Ou comme si tu pouvais te passer de ton Seigneur. Hein? Comme si tu veux, tu me le donnes, si tu ne veux pas, donne-moi le pas. Hein? Ça m'est égal. Ça donne cette impression-là. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin de personne et qui est le riche. Et personne ne peut se passer de lui, même pas dans un clin d'œil, hein, ou même pas d'une seconde, ou un instant, ou une fraction de seconde. C'est-à-dire que le serviteur, il a toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on demande, mais sans dire « si tu veux ». Et le cheikh dit مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة وبيان علة ذلك. Donc dans quelle occasion on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce que il y a dedans l'interdiction de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon ou la miséricorde en disant ou en rattachant cela à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également l'explication de la raison pourquoi cela n'est pas permis. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله بمشيئته والأمر بإطلاق سؤال الله دون تقييد. Donc premièrement, l'interdiction d'accrocher la demande ou de rattacher la demande qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on veut quelque chose en rattachant cette demande à sa volonté. Et l'ordre de demander à Allah subhanahu wa ta'ala sans restriction. C'est-à-dire de demander sans dire inshaat. C'est-à-dire tu demandes sans dire si tu veux. Deuxièmement, تنزيه الله عما لا يليق به وسعة فضله وكمال غناه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. Deuxièmement, dans ce hadith, il y a également le fait de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui ne lui convient pas, et la manifestation ou la clarification de la largesse de ses grâces et la perfection de sa richesse et du fait qu'il se suffit à lui-même, et également sa générosité, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut tirer de ce chapitre, et de ce hadith. On passe maintenant à l'autre chapitre, qui est le chapitre 54, qui s'intitule Babun la yaqulu abdi wa amati. Donc tu ne dois pas dire à un autre être humain, ça c'est le chapitre, le titre, c'est tu ne dois pas appeler quelqu'un mon esclave, que ce soit un esclave homme ou femme, que tu l'appelles Abdi si c'est un homme, ou Amati si c'est une femme. Et le cheikh, il mentionne dans ce chapitre un hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et il dit anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal لا يقول أحدكم أطعم ربك وابضي ربك فليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. Donc c'est rapporté dans Al-Bukhari Muslim sur Abi Huraira رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que nul d'entre vous ne dise nourris ton Seigneur, ou ramène l'eau de ton Seigneur, ou des choses de ce genre, ou lave ton Seigneur, ou des choses comme ça, parce que on va l'expliquer pourquoi après, mais qu'ils disent à la place Sayyidi wa Mawlaya, c'est-à-dire qu'ils disent à la place maître, mon maître, ou bien mon c'est ça. Donc le Sayyidi wa Mawlaya, les deux c'est à peu près la même signification. Sayyidi wa Mawlaya, mon maître, ou mon patron. Et qu'ils ne disent pas, ou que l'un d'entre vous ne dise pas mon esclave, ou mon esclave femelle, mon esclave mâle ou femelle, homme ou femme. Mais qu'ils disent plutôt mon garçon ou ma fille. Donc qu'ils ne disent pas mon esclave, homme ou femme. Ça c'est le hadith en question. Munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid. Pourquoi on mentionne dans Kitab at-tawhid un chapitre comme celui-ci? Le cheikh il dit que anna at-talaffuz bi hadhihi al-alfaz al-madhkura yuhimu al-musharaka fi ar-rububiyyah wa fanuhiya anhu ta'adduban ma'a ar-rububiyyah وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. Le cheikh explique que le fait de dire ce genre d'expression ou de ce genre de parole, c'est quelque chose qui donne l'impression qu'il y a comme si il y aurait des partenaires avec Allah dans la rububiyya. Et on a donc été interdit d'utiliser ces mots-là ou ces termes-là. Par respect pour Ar-Rububiyya, et pour protéger également le Tawhid et pour fermer les portes qui peuvent amener au shirk, parce que lorsqu'on appelle une créature Rab, ça peut donner donc l'impression que ça peut donner l'impression que on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at'im rabbak, nourris ton Seigneur, ça tu ne vas pas dire des choses comme ça. Tu vas dire plutôt, at'im sayyid, sayyidak, nourris ton maître, ou ton propriétaire, et ainsi de suite. Donc, dans As-Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, il y a ce hadith-là. Hein? Et il commence le hadith par « la yaqul ahadukum », c'est-à-dire que l'un d'entre vous ne dise pas. « La », ici c'est un « la » en arabe d'interdiction. « La nahiya ». Et le fi'l qui vient, le verbe qui vient après, il est majzoum par justement cela. Et le cheikh explique, il dit « La yaqul bidhalika limamlukihi », c'est-à-dire tu ne dois pas dire ça à celui qui est ton esclave ou celui que tu as comme esclave. Tu ne lui dis pas « nourris ton seigneur ». Tu vas lui dire plutôt « nourris ton propriétaire » ou « nourris ton maître ». Il dit لا تقول أحد لا يقول أحدكم أطعم ربك بفتح الهمزة أمر من الإطعام. C'est comme si tu ordonnais de nous le verbe, c'est le verbe impératif de nourrir, أطعم. Et وضي c'est le verbe impératif de ramener l'eau ou bien de faire le wudu comme on dit. وضي ربك. Et le cheikh il dit النهي في الموضعين لمنع المضاهة لمنع المضاهة لله سبحانه لأنه هو الرب. Donc l'interdiction dans les deux exemples, c'est l'interdiction par rapport au fait de faire des ressemblances, hein, d'imiter Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des ressemblances avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui الرب, c'est lui le Seigneur. Donc on n'a pas le droit d'utiliser donc ce terme-là d'une manière qui va faire qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature, ou un partenariat, ou une utilisation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui est particulière. Donc le cheikh il dit وَهَذَا الْمَنْعِ يَخْتَصُّ فِي مَنْعِ الرُّبُوبِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ, c'est-à-dire cette interdiction-là, c'est pour empêcher que l'homme puisse avoir une part de la souveraineté ou de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui est particulière. Donc le cheikh il dit بخلاف غيره فيقال مثلا رب الدار ورب الدابة. Donc il dit c'est pas la même chose, par exemple si quelqu'un dit رب الدار رب الدابة ou رب الأسرة. Hein? C'est pas comme si tu disais par exemple le seigneur de la maison, ou le seigneur de la famille, ou le seigneur de tel animal, ou des choses comme ça, en voulant dire le propriétaire ou celui qui le possède. Si tu l'attribues à, ou tu l'associes avec quelque chose, comme c'est l'habitude dans la langue arabe, on dit ça par exemple, en voulant dire le chef de la famille, on va dire Rabbul Usra, le chef de la maison, le maître de la maison, on dit Rabbul Bayt. Donc ça c'est correct. Mais de dire Rab comme ça et de l'attribuer à un être humain sans l'associer à quelque chose qui est courant, dans ce cas-là c'est pas permis. Parce que Rab c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Le Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est attribué, si on utilise le terme Rab et qu'on le met à comme de façon définie, Ar-Rab, le Seigneur, ça c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on l'associe avec quelque chose, comme Rabbu Dar, Rabbu Sayyara, Rabbu Usra, ça c'est, dans ce cas-là, c'est permis. Et il dit ici, au lieu de dire Rab, tu vas dire par exemple Sayyid, ou il y a qu'un Sayyidi. Liana Siyada, ma'naha Ar-Riasa, ala ma tahta yadihi. Donc tu vas utiliser le terme Sayyid, tu vas dire Sayyidi. Et Siyada en arabe ça veut dire Ar-Ri'asa, c'est-à-dire ça veut dire un chef ou un patron, hein, celui qui est le patron ou le chef de, et qui il y en a qui a des gens qui travaillent pour lui ou qui sont sous il possède des gens sous sa main, hein. Il dit أيضا فهناك فرق بين الرب والسيد. Il dit il y a des différences aussi entre le terme الرب et le terme السيد. Il dit فإن الرب من أسماء الله بالاتفاق بخلاف السيد فقد اختلف في كونه من أسماء الله. Donc il y a une différence entre Ar-Rab et As-Sayyid. Ar-Rab, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout le monde est d'accord, tous les savants sont d'accord sur ça. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Tandis que As-Sayyid, il y a divergence sur le fait, est-ce que ça fait partie des noms d'Allah ou non. Donc déjà, ça c'est une première différence. Et également, c'est que عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِنْهَا فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الشُّهْرَةِ وَكَفَّرْتِ الْاِسْتِعْمَالِ مِثْلُ مَا لِلْرَبِّ. Donc même si on disait que c'est un des noms d'Allah, comme As-Sayyid, hein, que c'est un nom d'Allah, eh bien, c'est pas un nom qui est aussi célèbre ou aussi utilisé que Ar-Rab. Hein, Ar-Rab c'est beaucoup plus connu et c'est beaucoup plus employé. Il dit ensuite wa maulay. Al-Mawla yutlaqu ala ma'anin kathira, minha al-Malik wa huwa al-Murad huna. Donc quand on dit maulay en arabe, al-Mawla, ça peut être utilisé pour plusieurs significations, et dans le hadith ici, ça signifie le propriétaire, celui qui, possède quelque chose. Et Mawla, ça peut vouloir dire le maître, ça peut vouloir dire aussi Yani, même le serviteur, hein, Mawla. Ça peut vouloir dire le maître et l'esclave aussi, hein, on utilise pour, dans les deux sens. Dans un sens et son contraire. Il y a des mots comme ça parfois en arabe. Il dit ensuite وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي لِأَنَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعُبُودِيَّةِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَعْظِيمًا لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمَخْلُوقُ. Donc quelqu'un ne doit pas dire mon esclave, hein? Mon esclave homme, pour, si c'est un homme c'est abdi, ou si c'est une femme amati. On ne doit pas dire ça, mais plutôt on dit fataya ou bien fatati ou bien roulami. Ça c'est des termes qu'on peut employer à la place. Le cheikh explique pourquoi. Il dit parce que le fait d'être serviteur ou esclave, c'est uniquement pour Allah. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite qu'on soit son esclave, hein? Et pourquoi? Parce que ça implique une sorte de respect que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite et que la créature ne mérite pas, hein? Les créatures ne méritent pas qu'on soit esclave pour elles. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite qu'on soit esclave de lui. Ensuite, il dit وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي لِأَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ لَا تَدُلُّ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ كَدِلَالَةِ عَبْدِي وَأَمَتِي وَفِيهَا تَجَنُّبٌ لِلْإِهَامِ وَالتَّعَظُمِ. Donc il dit qu'en utilisant ces termes-là, comme quand tu dis mon garçon, ma fille, hein, ou Yanni, mon servant, quelque chose comme ça, c'est comme ça donne pas la même impression, ça donne pas l'impression de la servitude dans le sens de l'adoration ou du fait d'être un serviteur ou un esclave d'Allah, hein, ça donne pas cette impression là et donc ça élimine la fausse impression ou les implications fausses et le respect qui est relié à l'adoration et à la soumission à Dieu. Donc c'est pour ça que il faut éviter donc et s'écarter de ce genre de termes ou d'employer des mots qui impliquent qu'est-ce qui est spécifique au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh explique maintenant le sens général de ce hadith. Il dit yanha sallallahu alayhi wa sallam an at-talaffuz bil alfaz allati tuhimu ash-shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de prononcer des termes, d'utiliser des mots qui donnent l'impression ou qui impliquent, qui peuvent donner l'impression qu'il y a un shirk quelconque dans ces termes-là. وفيها إساءة أدب مع الله. Il y a une mauvaise, c'est un mauvais comportement ou une mauvaise attitude avec Allah subhanahu wa ta'ala de parler de cette façon-là, en attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala, ou en attribuant à autre que Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'être un maître, ou d'être plutôt d'être un seigneur, ou bien le fait d'attribuer à une créature d'être esclave, mais d'être esclave de quelqu'un d'autre que Allah. Le cheikh dit que itlaq rububiyyah insan, donc d'affirmer la seigneurie à un homme, les insan, donc un homme attribue à un autre homme la seigneurie, ou un homme attribue le fait d'être esclave ou de servir autre que Allah, de servir un autre être humain au lieu de servir Allah. Donc le cheikh il dit يعني كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان أو عبودية إنسان لإنسان لأن الله هو الرب المعبود وحده parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui est le Seigneur et qui est celui qui est adoré et celui à qui on est esclave lui seul. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه وليكون ليكون بديلا من اللفظ الموهم وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة. Donc il a ensuite orienté les hommes, le prophète صلى الله عليه وسلم a orienté les gens vers les termes ou les mots qui sont exempts de ce genre d'implication ou qui ne donnent pas cette impression là. Et il leur a donc donné l'alternative parmi les mots qui yani peuvent donner une fausse, fausse signification, une fausse impression. Et la raison pourquoi il remplace donc ces termes-là par d'autres, pour éviter justement les ambiguïtés qui peuvent affecter les gens dans leur aqidah. Donc c'est pour préserver le tawhid et pour préserver la aqidah des gens et pour les éloigner de tout ce qui peut impliquer ou donner l'impression du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن أن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي. Pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dedans l'interdiction d'appeler quelqu'un comme étant notre esclave, que ce soit un homme ou une femme. Il dit ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك. Donc l'interdiction d'utiliser des mots qui impliquent du shirk ou qui donnent l'impression qu'il y a du shirk. Et deuxièmement, سد الطرق الموصلة إلى الشرك. Donc de fermer toutes les voies qui amènent à tomber les gens dans, à faire tomber les gens dans le shirk. وثالثا ذكر البديل الذي لا محذور فيه ليستعمل مكان مكان ما فيه محظور من الألفاظ. Donc Cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne également les alternatives, les termes qu'on peut employer dans lesquels il n'y a rien de d'interdit dedans, qui peuvent être utilisés à la place des termes ou des mots dans lesquels il y a quelque chose d'interdit ou de mauvais dedans. Donc ça c'est pour nous dire que même dans les mots, dans le langage qu'on emploie, lorsqu'on parle, eh bien il faut faire attention que ce qu'on dit ou les termes qu'on emploie ne contiennent pas d'expression qui impliquerait quelque chose qui soit en contradiction avec notre aqida. Hein? Parce que des fois on ne fait pas attention, justement, puis on dit des choses qui sont contraires à la foi ou à l'islam sans faire attention. Ensuite, donc, il y a un autre chapitre qui suit. C'est le chapitre 55. Et le titre de ce chapitre, c'est Bab la yuraddu man sa'ala billah. C'est-à-dire, on ne repousse pas, on ne refuse pas celui qui nous demande quelque chose par Allah. Il nous demande quelque chose en demandant. En mentionnant Allah. Et le cheikh il mentionne dans ce chapitre un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Et ce hadith il est rapporté selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Donc le cheikh il mentionne ce hadith selon Ibn Omar radiallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala, qui demande la protection par Allah subhanahu wa ta'ala, alors protégez-le, venez à son aide, à son secours, offrez-lui le refuge. Et celui qui demande par Allah, donnez-lui. Et celui qui vous invite, alors acceptez son invitation. Et celui qui vous fait un bien quelconque, alors récompensez-le. Et si vous ne trouvez pas quelque chose par laquelle vous allez être capable de le récompenser, alors faites des invocations pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous l'avez récompensé, que vous avez, que vous lui avez remis le bien qu'il vous a fait. Et le cheikh il explique donc pour quelle raison on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Il dit لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام الله وعدم إجلال له وذلك يخل بالتوحيد. Pourquoi on mentionne ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid? C'est parce que lorsque quelqu'un nous demande par Allah et qu'on ne lui donne pas, c'est comme si on manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on n'a pas exalté Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et ça, c'est quelque chose, bien entendu, qui représente une sorte de déficience par rapport au tawhid. Et il dit donc, man ista'adha, il explique les termes du hadith. Il dit, man ista'adha billah fa'a'izuhu. Et, man laja'a ilallah wa sa'alakum an tadfa'u anhu sharrakum aw sharra ghayrikum fa'a'izuhu. Et, imna'uhu mimma ista'adha minhu wa kaffuhu anhu ta'ziman l'ismillah. Donc celui qui vous demande, qui cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala et qui vous demande de repousser de lui votre mal ou bien le mal de quelqu'un d'autre, alors protégez-le et empêchez-lui de ce mal, protégez-le de ce mal par respect pour Allah, par respect pour le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui vous demande, من سأل بالله بأن قال أسألك بالله, si quelqu'un te dit je te demande par Allah, alors donnez-lui. أي أعطوه ما سأله ما لم يسأل إثما أو قطعة رحم. C'est-à-dire donnez-lui ce qu'il demande tant qu'il n'a pas demandé un péché ou de briser ou de couper les liens de parenté. ومن دعاكم أي إلى طعام أو غيره فأجيبوه أي أجيبوا دعوته. Celui qui vous invite, soit pour aller manger ou autre chose de ce genre, alors acceptez son invitation. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه أي من أحسن إليكم أي إحسان معروفا المعروف اسم جامع للخير فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه. Donc si quelqu'un vous fait un bien quelconque, peu importe quelle bonne chose il vous fait, et un ma'ruf, c'est-à-dire peu importe la sorte de bien qu'il vous fait, alors récompensez-le pour le bien qu'il vous a fait par un bien égal ou un bien qui est plus grand ou meilleur. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا أي لَمْ تَقْدِرُوا عَلَى مُكَافَأَتِهِ si vous n'êtes pas capable de trouver quelque chose pour le récompenser, فَدْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ donc invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous lui avez remis le bien qu'il vous a fait. C'est-à-dire, faites beaucoup de dua pour lui. Et faites des efforts dans l'invocation que vous faites pour lui. Le sens général de ce hadith, المعنى الإجمالي للحديث, يأمر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بخصال عظيمة فيها تعظيم حق الله أو تعظيم حق الله سبحانه وتعالى بإعطاء من سأل به وإعاذة من استعاذ به وتعظيم لحق المؤمن في إجابة دعوته ومكافأته على إحسانه بمثله أو أحسن منه مع القدرة ومع عدمه أو مع عدمها بإحالة مكافأته إلى الله بطلب الخير له منه. Donc c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il ordonne certaines grandes caractéristiques et des choses très importantes. Parmi ces choses-là qu'il demande, c'est d'avoir un respect des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala en donnant à celui qui demande par son nom et en donnant refuge à celui qui cherche refuge en lui et en cherchant en ayant du respect pour le droit du croyant lorsqu'il nous invite et en récompensant le bien que quelqu'un nous fait par un bien équivalent ou un bien qui est plus grand avec la capacité. Et si on n'a pas la capacité de le récompenser pour le bien qu'il nous a fait, eh bien, d'essayer de demander, donc, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui remette ce bien. ومناسبة الحديث للباب أن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده. Donc l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dans le hadith l'ordre de donner à celui qui demande par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas repousser la personne ou refuser la personne lorsqu'il demande par Allah, par respect pour Allah. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith ? C'est comme des fois si quelqu'un vient et te demande quelque chose, il te demande, tu te demandes par Allah. Alors dans ce cas-là, par respect pour Allah, tu donnes à la personne ce qu'il te demande, tant que ça n'implique pas un péché. Ensuite, il dit « Ma yustafadu min al-hadith » Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith Premièrement, « Annahu la yaruddu man sa'ala, la yuraddu man sa'ala billahi, ijlalan lillahi wa ta'ziman lahu » Premièrement, on ne doit pas refuser quelqu'un qui nous demande par Allah, par respect pour Allah. Et déjà, en premier, on doit savoir aussi que le fait de demander, déjà, c'est quelque chose qui est mauvais, qui n'est pas bon. C'est pas quelque chose qui est... c'est quelque chose qui est mauvais, qui est détestable. Et dans certains cas, même, c'est haram de demander. Et c'est permis dans certains cas. Donc, il ne faut pas non plus en profiter. Quelqu'un, il vient, il sait que tu as du respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il vient et il profite de ça. Donc, il dit, je te demande par Allah de me donner telle ou telle chose. Déjà, il faut savoir que de demander, c'est déjà mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans plusieurs hadiths que la main qui donne est plus haute que la main qui reçoit. Et dans des hadiths, il a mentionné que celui qui demande aux gens, qui prend l'habitude de mentir, eh bien, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura plus de chair dans son visage. Il n'aura plus de chair dans son visage. Donc, ça, c'est par rapport aux gens qui demandent, hein, et qui prennent l'habitude de demander. Et dans un autre hadith, un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith qui est rapporté selon Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, hein, il dit, yani, si quelqu'un vous donne quelque chose sans que vous l'ayez demandé et sans que vous le désiriez, alors prenez-le. Hein? Alors prenez-le. Donc ça veut dire, si quelqu'un te donne quelque chose, prends-le sans que tu l'aies demandé et sans que tu l'aies désiré. Hein? Donc ça, c'est, dans ce cas-là, c'est correct. Mais si c'est quelqu'un qui prend l'habitude de demander aux gens, ça c'est quelque chose qui est, hein, très mauvais. Sauf si on a vraiment une bonne raison, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à certaines personnes de demander, lorsque quelqu'un par exemple a été lourdement endetté, ou lorsque quelqu'un a eu une peine, ou une peine à payer, ou des choses comme ça. Donc il y a des cas qui sont mentionnés dans les hadiths à ce sujet-là. Donc sinon, lorsque quelqu'un nous demande par Allah, par respect pour Allah, on doit lui donner. Deuxièmement, أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته ودفع الشر عنه. Si quelqu'un nous demande par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on doit, c'est obligatoire pour nous de lui venir en aide et de repousser le mal, hein, le mal de ce qui, que cette personne-là a, ou un mal qui lui est fait, et de le protéger. Donc, troisièmement, مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو غيرها. Donc il mentionne que l'obligation de répondre à l'invitation du musulman pour une walima, hein, c'est-à-dire lorsque quelqu'un s'est marié, il nous invite à la fête, ou bien une aqiqa, ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, tu dois répondre à l'invitation. Si c'est une invitation qui est faite de façon particulière, tu dois répondre, c'est obligatoire. Mais si c'est une invitation qui est faite générale à tout le monde, dans ce cas-là, et que tu ne peux pas venir, dans ce cas-là, tu es excusé. Et le cheikh, il dit, وَمَشْرُعِيَّةُ مُكَافَأَةِ الْمُحْسِنِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de, ou bien c'est légiféré de récompenser la personne qui nous fait du bien lorsqu'on a la capacité de le faire. Et le point numéro 5, مَشْرُعِيَّةُ الدُّعَى لِلْمُحْسِنِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مُكَافَأَتِهِ. C'est-à-dire qu'il est légiféré de faire des du'as pour la personne qui nous a fait un bien quelconque, lorsqu'on n'est pas capable de le récompenser et de lui remettre le bien qu'il nous a fait. Donc ça vient conclure le chapitre 55. Le chapitre 56, le cheikh, il dit, باب لا يسأل أو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. C'est-à-dire qu'on ne doit pas demander par le visage d'Allah excepté le paradis. On ne doit pas demander par le visage d'Allah autre chose que le paradis. Le cheikh, il explique, il mentionne le hadith عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود. C'est-à-dire que selon Jabir ibn Abdullah رضي الله عنهما, qui a dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, on ne doit demander par le visage d'Allah que le paradis. On ne doit demander par le visage d'Allah que le paradis. C'est rapporté selon Abu Daoud. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته فلا يسأل عن شيء من المطالب الدنيوية بوجه الله الكريم بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة. فهذا من حقوق التوحيد. الشيخ dit, pourquoi on mentionne ce chapitre dans le kitab al-tawhid? C'est par respect, hein, parce que c'est obligatoire de respecter les noms et les attributs d'Allah, et qu'on ne doit demander à Allah par son noble visage que des choses importantes et grandes, hein, parmi les plus grands objectifs et les plus grandes requêtes, comme par exemple le paradis. Mais on ne doit pas demander par le visage d'Allah des choses inutiles ou des choses de peu d'importance, par exemple des choses de la dunya. Hein? Ça fait partie des droits du tawhid. Ça fait partie des droits du tawhid. Et il dit la yus'al ruya bin nafi wa ruya bin nahi. Donc on ne demande pas. Il a été rapporté de deux façons. Il a été rapporté avec la négation et il a été rapporté avec l'interdiction. Et comme les ulama le mentionnent, la négation est plus forte que l'interdiction. Parce que la négation, hein, elle implique que cette chose-là n'existe pas ou ne doit pas être. Tandis que l'interdiction, c'est, hein, le fait que la chose est interdite. Donc la négation est plus forte comme interdiction que la négation. Et donc ici il dit, hein, on ne demande pas par le visage d'Allah. Hein, « بِوَجْهِلَّا وَهُوَ سِفَةٌ مِنْ سِفَاتِهِ الذَّاتِيَّ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ » Donc, il y a donc ici, il dit par le visage d'Allah. Et le visage d'Allah, c'est une de ses attributs. Parmi ses attributs qui font partie des attributs de sa personne. Et c'est une attribut qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Et donc, on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Et il dit illa al-jannah. On demande par le visage d'Allah que le paradis. On ne doit pas demander autre chose que le paradis quand on demande par le visage d'Allah. Il dit illa al-jannah wa aw ma huwa wasilatun ilayha min al-maqasid al-'idham. Le cheikh il dit ou, c'est-à-dire qu'on ne demande pas d'autre chose que le paradis par le visage d'Allah, ou bien quelque chose qui va être un moyen vers le paradis parmi les grands objectifs et les choses, hein, les choses de la religion. Donc ça, on peut demander par le visage d'Allah. Mais si c'est des choses de la dunya ou des choses comme ça, on ne doit pas demander par le visage d'Allah. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Le sens général de ce hadith. Naha sallallahu alayhi wa sallam an yus'ala biwajhi Allah al-karim al-umur al-haqira wa hawa'ij al-dunya إجلالا لله وتعظيما له ويقصر ويقصر صلى الله عليه وسلم السؤال بوجه الله على الجنة التي هي غاية المطالب. Donc le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit qu'on demande par le visage d'Allah des choses futiles parmi les besoins de la dunya. Et par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc on doit limiter la demande par le visage d'Allah au paradis. Parce que c'est, hein, c'est là le but de nos objectifs et de nos requêtes. Lorsqu'on demande, on demande par le visage d'Allah, lorsqu'on demande par le visage d'Allah, on demande uniquement le paradis ou des choses qui nous amènent au paradis, mais pas des choses futiles. Il dit wa munasabatul hadith lil bab anna fihi an-nahy an yus'al biwajhi Allah ghayr al-jannah. Donc le hadith est relié au chapitre par le fait qu'il y a dedans l'interdiction de demander par le visage d'Allah autre chose que le paradis. Wa ma yustafad min al-hadith اولا اثبات الوجه لله على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. Donc le fait qu'on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage ou une face, hein, qui convient à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le reste de ses attributs. Donc on affirme le visage à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le nie pas comme les gens de bid'ah qui nient cet attribut, ou bien qui vont déformer sa signification, hein, parmi les autres groupes comme les gens de bid'ah, comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya, qui nient les attributs d'Allah ou bien qui déforment leur signification. Et deuxièmement, wujubu ta'zimillah wa ihtirami asma'ihi wa sifatihi, l'obligation de respecter Allah et de respecter et d'exalter ses noms et ses attributs. Et le point numéro 3, jawazu su'al al-janna wal umur al-muwassilah ilayha biwajhi Allah wal man'u min an yus'ala bihi shay'un min hawa'ij ad-dunya. Donc la permission de demander le paradis et les choses qui ramènent au paradis par le visage d'Allah, et l'interdiction de demander par le visage d'Allah des choses parmi les choses des besoins de la dunya. Donc ça c'est le point, le chapitre 56. Maintenant le chapitre 57. Ma jaa fil law. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de dire si, hein, d'employer le si, qui est là, qu'est-ce qu'on dit comme le mot si en français, comment on appelle? Et là, si c'est une conjonction, on dit en français. Hein? Et là, donc, en arabe, on dit law, law, lam, waw. Bon, naam, qu'est-ce qui a été rapporté à propos de law? Le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il commence ce chapitre par le verset dans Surat Al-Imran, le verset 154. Dans Surat Al-Imran, et là, donc il dit wa qawlu Allah ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri shay ma qatalnaha huna wa tamam al-ayah قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Donc ça c'est le verset 154 dans sourate Al Imran, le verset au complet qui dit rappelez-vous, le verset 153 avant, ça dit, rappelez-vous, quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous, le messager vous appelait. Alors, il vous affligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni de revers, hein, ni pour les revers que vous avez subis, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de la Jahiliya. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Donc, est-ce que nous avons une part dans l'affaire? Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, ils disent, nous n'aurions pas été tués ici. C'est cette partie du verset qui est mentionnée dans le chapitre en question. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. Donc, ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici, disent-ils. Dit, eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs, et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Na'am, donc le cheikh il va expliquer maintenant. Munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid. C'est quoi le lien entre ce chapitre et kitab at-tawhid? Il dit anna min kamal at-tawhid al-istislam lil-qada' wal-qadar. Wa anna qawl law la yujdi shay'an wa huwa yush'iru bi'adami ar-ridha bil-qadar. Wa hadha mukhill bit-tawhid. Donc le cheikh explique que parmi les choses qui viennent parfaire le tawhid, il faut se soumettre complètement à la prédestination et au décret divin. Et que le fait de dire si, eh bien, c'est quelque chose qui ne donne rien, en fait. Ça donne rien de dire si. Et ça donne l'impression qu'on n'est pas satisfait de la prédestination. Et donc ça, ça vient faire créer une défaillance dans notre tawhid. Hein? Si quelqu'un dit comme dans le verset ici, si nous avions eu le choix, un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Hein? Donc ça c'est comme si il pouvait changer quelque chose à la prédestination. Et c'est pour ça que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il répond en disant, si vous étiez resté dans vos maisons, puis que la mort avait été décrétée pour vous, eh bien vous seriez sortis vers la mort, hein, que vous le vouliez ou non. Lorsque quelque chose est décrété par Allah, ça doit venir. Hein, donc il dit ensuite, donc ma ja'a fi law ay min al-wa'id wa an-nahy anhu. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de al-law parmi les choses de parmi les menaces et les interdictions à ce sujet-là. Donc il dit يقولون, il explique le verset, يقولون أي من يقول بعض يقول بعض المنافقين يوم أحد معرضة للقدر لو كان لنا من الأمر شيء أي لو كان الاختيار إلينا ما قتلنا هنا أي لما غلبنا ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة. Le cheikh il explique, ils disent, c'est-à-dire certains d'entre les munafiqin le jour de Uhud, ils disent par opposition à la prédestination, si nous avions une décision quelconque ou si le choix nous revenait, ma kutilna hahuna, c'est-à-dire nous n'aurions pas été tués ici, c'est-à-dire nos ennemis n'auraient pas eu le dessus sur nous et nous n'aurions pas été ceux qui ont été tués n'auraient pas été tués dans cette bataille. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il répond قل لو كنتم في بيوتكم أي وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز أي لخرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل أي منكم إلى مضاجعهم أي إلى مصارعهم فيقتلون ولم ينجهم ولم ينجهم قعودهم لأن قضاء الله كائن لا محالة. Donc le chef il explique donc que si vous étiez dans vos maisons, si vous étiez resté dans vos maisons, alors que parmi vous il y en a pour qui Allah a écrit qu'ils vont être tués, eh bien la baraza, c'est-à-dire ceux pour qui la mort avait été décrétée parmi vous, serait sortie vers l'endroit de leur mort, hein, vers l'endroit où la mort les attendait. Il a madajihim, c'est-à-dire il a masarihim. Donc ils seraient venus là à l'endroit où ils devaient être tués, et le fait d'être restés à la maison ne les aurait pas sauvés de la prédestination, de ce que Allah a décrété, parce que ce que Allah a décrété doit se produire et il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité, on ne peut pas s'en échapper. Et il dit ensuite la suite du verset, et naam wa liyabtali Allahu ma fi sudurikum, وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Donc il dit ma fi sudurikum liyabtali Allah ay yakhtabir ma fi sudurikum ay qulub qulubukum hein qulubukum min al-ikhlas wan-nifaq. Donc il dit Allah il veut éprouver, tester ce qui, c'est pour que Allah teste ou éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines, c'est-à-dire dans vos cœurs, yani comme pureté, comme sincérité ou comme hypocrisie. Donc Allah il veut vous éprouver et vous tester par ce genre d'épreuve. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اَيْنَعَمْ. Donc c'est pour vous purifier en fait. Le Cheikh il dit لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ يُمَيِّزُ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ مِنَ النِّيَّاتِ. Donc c'est pour distinguer hein, ce que vous avez dans le cœur comme intention hein, et comme yani pour purifier vos intentions, pour purifier vos cœurs. Et il dit ensuite وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala est certes connaissant de ce que contiennent les poitrines, de ce que contiennent les cœurs. بِمَا فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ غَنِيٌ عَنِ الْإِبْتِلَاءِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ وَلِيَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ. Donc le Cheikh il dit donc c'est pour faire paraître ce qui est dans vos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de vous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a aucun besoin de vos épreuves, mais il le fait uniquement pour faire paraître aux gens les choses et pour que soit pour que ce soit donc yani pour qu'il y ait des répercussions à ces épreuves là et pour que puisse venir par la suite la récompense pour ceux qui ont mérité la récompense et le châtiment pour celui qui a mérité le châtiment. Et il explique le sens général du verset. Il dit المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى pardon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit يخبر تعالى سبحانه عما كان يكنه المنافقون يوم وقعة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع عليهم من الله وأنهم يقولون لو كان الاختيار والمشورة إلينا ما خرجنا ولنجونا مما حصل من الهزيمة والقتل فرد الله عليهم بأن ما حصل قدر مقدر لا ينجي منه البقاء في البيوت والتلهف ها وقول لو لا يجدي شيئا. Donc le cheikh il explique le sens général. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait paraître ce que cachaient les cœurs des hypocrites le jour de la bataille de Uhud hein, comme opposition et objection à la prédestination et comme yani colère contre ce qui s'est produit hein, et que et ce qui est arrivé qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ils disaient dans leur cœur que si on avait le choix, si on nous avait consulté hein, si ça revenait à nous, eh bien nous ne serions pas sortis dans cette bataille et on aurait été épargnés, on aurait été sauvés de ce qui s'est produit comme yani comme défaite et comme yani comme mort, parce qu'il y en a qui ont été tués. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté ces gens-là et leur a répondu en leur faisant savoir que ce qui s'est produit, c'était quelque chose qui avait été prédestiné et qu'ils ne pouvaient pas s'en échapper en restant à la maison. Hein? Et ils ne pouvaient pas non plus s'en échapper en disant si. Parce que le fait de dire si on était resté à la maison ou des choses comme ça, ça ne sert à rien. Puisque tout ce qui se produit, c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ يقول ومناسبة الآية للباب أن قول لو في الأمور المقدرة لا يجوز وهو من كلام المنافقين Donc, le verset vient nous expliquer que le fait de dire « si » dans les choses qui ont été prédestinées, hein, une fois que ces choses-là se sont produites, ce n'est pas permis. Et que ça fait partie des paroles des hypocrites. Il dit « وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ أَوَّلًا النَّهْيُ عَنْ قَوْلْ لَوْ فِي الْأُمُورَ الْمُقَدَّرَةِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّصَخُّطِ عَلَى الْقَدَرِ وَتَجَدُّدِ الْأَحْزَانِ فِي النُّفُوسِ أما قول لو فتندما على فوات الطاعة فلا بأس به لأنه يدل على الرغبة في الخير. Donc le cheikh explique, parce que au sujet de l'utilisation et de l'emploi de dire si par exemple ou law en arabe, il y a des cas et des situations différentes dans lesquelles on peut l'employer. Dans certains cas c'est permis, dans certains cas c'est interdit. Et donc, le cheikh explique, il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce verset? Premièrement, l'interdiction de dire law dans les choses qui sont prédestinées, une fois que les choses se sont produites. Et pourquoi? Parce que ça implique que la personne qui le dit, elle est fâchée contre qu'est-ce qui avait été prédestiné. Hein? Et ça ne fait que renouveler la tristesse dans les cœurs et dans les âmes. Hein? Hein, parce que c'est quelque chose qui s'est passé et que ça a été prédestiné, tu peux rien changer à ça. Même si tu vas dire law, ça va pas te faire revenir en arrière. Ça va pas corriger ou changer quoi que ce soit à qu'est-ce qui est arrivé. Hein, donc dans ce cas-là, c'est pour cette raison-là, donc c'est interdit de le dire dans ce cas-là. En ce qui concerne le fait de dire law, par regret de ce qui nous a manqué ou de ce qu'on a manqué comme obéissance, ou comme bonne action, dans ce cas-là, ça c'est permis. Par exemple, si tu dis, yani, j'aurais pu faire plus de bonnes œuvres, ou plus de bonnes actions, ou plus d'adoration, ou plus de prières, hein? Ou si j'aurais eu de l'argent, j'aurais fait le hajj, ou j'aurais fait la umrah, ou je serais parti talab al-ilm, ou des choses comme ça, hein? Ou quand j'étais parti à tel endroit, j'aurais pu profiter en faisant plus de ibadat, ou plus de talab al-ilm ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui indiquent que tu avais envie de faire du bien et de le dire dans ce sens-là. Dans ce cas-là, c'est permis. Hein? Le cheikh, il dit ensuite « Wa mashru'iyatu l'istislam lil-qada'i wal-qadar wa adamu tasakhutihi » C'est-à-dire que, comme point numéro 2, il est obligatoire d'être satisfait, de se soumettre à la prédestination et au décret d'Allah. Et qu'on ne doit pas être en colère contre qu'est-ce que Allah a prédestiné, ou se mettre en colère ou se fâcher vis-à-vis de la prédestination et du décret. Thalifan, point numéro 3, an al-hadar la yunji min al-qadar. Le point numéro 3, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce point-là, c'est que le fait de prendre des précautions, ça ne peut pas te sauver de la prédestination. C'est-à-dire, tu peux prendre des précautions. Et ça, c'est, tu peux essayer d'éviter les choses où il y a des dangers ou des choses comme ça. Mais, malgré tout ce que tu fais ou tout ce que tu prends comme précaution, tu dois savoir que tout ce que Allah a prédestiné va se produire. Et que tu ne peux pas t'échapper de ce qui a été écrit et de ce qui a été prédestiné pour toi. Le point numéro 4, أن من كتب عليه الموت في محل فلا بد أن يذهب إليه ولو حاول الامتناع عنه. Le point numéro 4, c'est que quelqu'un, lorsque la mort a été décrétée pour lui à un endroit quelconque, eh bien il n'aura pas d'autre choix que d'aller à cet endroit-là, même si il essaie d'éviter ou de ne pas y aller, hein, parce que c'est quelque chose qui a été prédestiné. Na'am. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne un autre verset, c'est le verset 168 dans Surat Al-Imran. C'est le verset suivant. Alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Al-aya. Tamam al-aya. Qul fadra'u an anfusikum al-maut. In kuntum sadiqin. Ça, c'est un autre verset aussi qui parle de ce sujet-là. Et la signification de ce verset, c'est ceux qui sont restés dans leur foyer, dire à leurs frères, ceux qui sont restés dans leur foyer, c'est-à-dire qui ne sont pas partis au combat, dire à leurs frères, quand ils sont revenus, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dis, écartez-vous donc, c'est-à-dire, dis, ô Muhammad, écartez-vous donc de la mort, ou écartez-vous donc de vous la mort, si vous êtes véridique. Hein? Donc il dit, le cheikh il explique, il dit, à propos de ce verset, قالوا إخوان الذين قالوا لإخوانهم أي قالوا للمسلمين المجاهدين سموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر وقيل إخوانهم في النسب. Donc il dit ici dans ce verset قالوا لإخوانهم, ils ont dit à leurs frères, hein, c'est-à-dire les hypocrites ont dit à leurs frères, il dit ici qu'il les appelle frères parce que en apparence ils sont musulmans. Donc, en se basant sur l'apparence que ce sont des musulmans. Ou bien, une autre explication, c'est que ce sont leurs frères dans les liens de parenté. Parce qu'ils ont des liens de parenté. Donc, ils ont dit à leurs frères, وَقَعَدُوا, c'est-à-dire, eux, ils étaient restés derrière, ils n'étaient pas partis faire le djihad. لَوْ أَطَعُونَ مَا قُتِلُوا. Et là où Ata'ouna fil Qu'oud, s'ils nous avaient obéi et qu'ils étaient restés derrière comme nous, qu'ils n'étaient pas allés au combat, ma Qutilou, ils n'auraient pas été tués. Kama lam nuqtal, c'est-à-dire ils n'auraient pas été tués comme nous, on n'a pas été tués. Qul ay li ha'oula, fadra'u an anfusikum ul maut, ay idfa'ouhu anha, in kuntum sadiqin, ay fil Qu'oud, fi an al Qu'oud yunajji minhu. Donc il dit, dans ce cas-là, hein, dis au Muhammad à ces gens-là, à ces hypocrites, essayez de repousser la mort de vos âmes, hein, si vous êtes véridique. Hein, si vous êtes véridique sur le fait de rester derrière et de ne pas aller au combat va vous sauver de la mort. Parce que toute âme va mourir, que ce soit au combat ou ailleurs. Donc essayez de vous échapper de la mort si vous êtes capable et si vous êtes véridique. Le cheikh il dit, المعنى الإجمالي للآية ينكر تعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل ويرد عليهم بأنهم إن كانوا يقدرون على دفع القطع عن من كتب عليه فليدفعوا الموت عن أنفسهم فهي أولى بالدفع عنها فإذا لم يقدروا على الدفع عنها فغيرها من باب أولى. Donc le cheikh il explique que le sens général de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il répond et il condamne la parole des hypocrites qui se sont opposés à la prédestination par leurs paroles, hein, lorsqu'ils ont dit à ceux qui sont sortis avec le messager d'Allah le jour de Uhud que si nous avaient écouté et pris notre consultation, c'est-à-dire en ne sortant pas avec eux, qu'ils n'auraient pas été tués avec ceux qui se sont fait tuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant que si vous êtes capable de repousser la si vous pensez que vous êtes capable de repousser la mort de ceux qui sont morts dans le combat, alors dans ce cas-là essayez de repousser la mort de vous-même, votre propre mort. Est-ce que vous êtes capable d'empêcher votre âme de mourir lorsque la mort est prédestinée, lorsque la mort doit venir? Donc si vous n'êtes pas capable de repousser la mort de vous-même, alors c'est cette mort-là que vous devriez essayer de repousser en premier, parce que votre âme est la priorité. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien, comment pourriez-vous penser que vous êtes capable de repousser la mort des autres qui sont partis au combat? Et le cheikh il dit, « Munasabatul aya lilbab, anna qawla law fil umur al-muqaddara min simat al-munafiqin. » Pourquoi on mentionne ce verset dans le chapitre au sujet de la parole, lorsqu'on parle, on dit si, dans les questions qui sont prédestinées, les choses qui sont prédestinées, et qu'on mentionne le si ou qu'on dit si dans ces choses-là, c'est le signe de l'hypocrisie et le signe des hypocrites. Hein? Donc, des fois, par exemple, quelqu'un, hein, il fait quelque chose parmi les actes d'adoration, hein, selon les, le Coran et la Sunna, selon les règles, selon la compréhension des salafs, puis ça lui amène une épreuve quelconque ou une difficulté quelconque dans sa vie personnelle ou dans, dans sa religion ou dans des choses qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala a l'épreuve par ces choses-là, ou lorsqu'il lutte dans le sentier d'Allah ou des choses comme ça, il meurt ou il se fait blesser ou des choses comme ça. Eh bien, les hypocrites disent, ah, tu vois, s'il n'aurait pas fait telle chose, il n'aurait pas eu ça. Ou s'il n'était pas sorti, il n'aurait pas été tué, ou des choses de ce genre. Eh bien, ça, c'est les caractéristiques des hypocrites. Bien entendu, c'est pas comme, par exemple, les gens de bid'a, comme les takfiriyin, ou les khawarij, à notre époque, qui pensent qu'ils font le djihad, alors que, qu'est-ce qu'ils font, c'est juste de la destruction et du désordre sur la terre, et qui, eux, sortent soi-disant comme ils se prennent pour des mujahidines, alors que ce ne sont pas des mujahidines, mais ce sont des mufsidines, ce sont des corrupteurs, des gens qui font la corruption et le désordre, et eux qui leur arrivent des ennuis par la suite, ou qui se font tuer, eh bien ceux-là, ils n'ont pas de, hein, bien entendu, ils n'ont pas de récompense, ce ne sont pas des mujahidines, ce ne sont pas des martyrs, puisque ce qu'ils font est en opposition avec l'islam. Hein, ceux qui font du terrorisme ou des choses comme ça, ce qu'ils font, c'est pas en accord avec l'islam, et les ulama ne supportent pas ce qu'ils font, hein, et ils leur ont pas donné la permission pour faire ce qu'ils font, et les dirigeants leur ont pas donné la permission de faire ce qu'ils font. Donc ceux-là, ils rentrent pas dans cette catégorie-là, hein, et ceux qui leur disent, par exemple, de ne pas sortir, on peut pas dire comme ce que, hein, les ce que on dit par rapport aux gens qui ont dit à ceux qui sont sortis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est ceux qui leur disaient si vous étiez pas sortis, hein, vous n'aurez pas été tués. C'est pas la même chose que ce que disaient les hypocrites à l'époque, puisque aujourd'hui, lorsqu'on dit à quelqu'un, par exemple, va pas à tel ou tel endroit où ces gens-là appellent les gens à aller au nom du djihad, hein, que ce qu'ils font, eux, ils prétendent que c'est le djihad, et que les ulama ont mentionné que c'est pas le djihad et qu'il ne faut pas y aller, eux, ils essaient d'utiliser ce genre de verset-là pour essayer de dire, ah, ces gens-là sont des munafiqis. Parce qu'ils nous disent, hein, que si on n'était pas allé, on n'aurait pas eu tel ou tel problème ou telle épreuve. Donc ça, c'est pas la même chose. On parle de quelqu'un qui est vraiment en train de faire quelque chose qui est une adoration ou un djihad qui est shar'i, qui est en accord avec la sharia, selon les, hein, les paroles des ulama, selon les ordres des dirigeants, ou bien qui fait la da'wah, qui appelle au Coran et à la sunna selon la compréhension des salafs, avec hikmah, avec sagesse, selon les principes de l'islam et de la sunna, et qui par la suite a des ennuis parce qu'il fait ça, et bien là, si quelqu'un par la suite lui dit, ah, tu vois, si tu n'avais pas fait ça, ou si tu n'aurais pas dit ça, là tu n'aurais, hein, pas eu des ennuis, ou telle chose ne serait pas arrivée. Hein? Alors que c'est des choses qui ont été prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas-là, hein, c'est yani quelque chose qui fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et le Cheikh il dit wa ma yustafadu min al-aya. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? Awalan at-tahdhir min qawli law ala wajh al-mu'arada lil qadar wa at-ta'assuf ala al-ma'asi. Donc premièrement, le cheikh il dit, on ne doit pas dire law pour des choses qui ont été prédestinées, qui font partie de la prédestination. Et yani wa tasuf ala al masaib, c'est ça, ala al masaib. Donc lorsque un malheur nous atteint, eh bien on ne doit pas commencer à dire non ou à dire si. Hein, par exemple, tu dis ah mais j'étais avec ma voiture, je roulais et puis j'ai frappé quelqu'un et la personne elle est morte. Tu vas pas dire par exemple, ah mais si j'aurais tourné à gauche ou si j'aurais tourné à droite ou si j'étais sorti 5 minutes plus tard, ce serait pas arrivé. Non, ça c'est des choses qui ont été prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça fait partie du qadar. Et donc on n'a pas à faire des objections à qu'est-ce qui a été prédestiné ou à émettre des suppositions ou des choses comme ça et à dire si dans des cas comme ça, parce que ça peut nous amener à renier ou à repousser ou à s'objecter à la prédestination. Et ça, c'est, bien entendu, quelque chose qui est grave. Le point numéro 2, le cheikh il dit « Anna muqtada al-iman al-istislam lil-qada' wal-qadar wa anna adam al-istislam ilahu min sifat al-munafiqin » Donc le point numéro 2, c'est que parmi les choses qui font partie de ce qui implique la foi, il y a le fait de se soumettre à ce qui a été décrété et ce qui est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le fait de ne pas se soumettre à la prédestination, ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et le point numéro 3, مشروعيه مجادله المنافقين وغيرهم من اهل الباطل لابطال شبههم وضحد اباطيلهم. Donc le cheikh il dit la législation, le fait qu'il est ordonné de débattre contre les hypocrites et autres parmi les gens de la fausseté pour détruire leurs shubuhat, hein, et leurs faux arguments, et pour réduire à néant leurs faussetés et leurs mensonges. Donc ça c'est très important, très important. Ensuite le cheikh il termine ce chapitre par un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et également dans la musnad de l'imam Ahmad. Le cheikh il dit wa fi sahih عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو تفتح عمل الشيطان. Donc ce hadith qui est apporté dans Sahih Muslim et dans la Musnad de l'Imam Ahmad selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: fais des efforts pour faire ce qui te profite et qui t'amène un bien, et demande l'aide d'Allah et ne te décourage pas, et s'il t'arrive quelque chose ou un malheur quelconque, ne dis pas: si j'avais fait telle chose, eh bien il serait arrivé telle ou telle chose. Mais plutôt dis ce que Allah a prédestiné ses produits, et ce qu'il veut, c'est ce qui il fait ce qu'il veut, et il fait ce qu'il veut. Ce que qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, c'est-à-dire ça c'est quelque chose que Allah a prédestiné pour moi et il fait ce qu'il veut. Hein? Et pourquoi? Parce que si tu dis law, si tu dis, lorsque tu dis si, ça ouvre la porte au travail du shaitan. Ça ouvre le travail du shaitan. Le cheikh explique, premièrement, il dit ce hadith rapporté par l'imam Muslim, c'est sahih. Il dit donc, il explique le hadith, ihris, al-hirs huwa bazlul juhdi wa istifrah al-was'i. Donc, al-hirs, c'est le fait de faire beaucoup d'efforts, hein, et de dépenser tout ce qu'on a comme capacité pour faire quelque chose. Wa ala ma yanfa'uk, ala ma yanfa'uk, yani fi ma'ashika wa ma'adika. Donc c'est-à-dire fais tout ce qui peut t'amener un bienfait, fais des efforts dedans, que ce soit dans ta vie d'ici-bas ou dans ce qui va t'aider lors de la résurrection. Wasta'in billah. Ay utlub al-i'ana fi jami'i umurika min Allah, la min ghayrihi. Donc demande l'aide d'Allah dans tout ce que tu fais, dans toutes tes affaires, et demande cette aide à Allah seul et à personne d'autre que lui. وَلَا تَعْجَزَنَّ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا أي لَا تُفَرِّطْ فِي طَلَبِ مَا يَنْفَعُكَ مُتَّكِلًا عَلَى الْقَدَرِ وَمُسْتَسْلِمًا لِلْعَجْزِ وَالْكَسَلِ. Donc il dit wala ta'jazan, c'est-à-dire ne te décourage pas. Hein? C'est-à-dire yani ne sois pas négligent dans la recherche de ce qui est bénéfique pour toi en te rabattant sur la prédestination. Hein? Tu dis bah ça sert à rien que je fasse des efforts parce que de toute façon je vais juste avoir ce qui est prédestiné pour moi. Non, tu dois faire preuve de courage et tu dois faire des efforts. Tu ne dois pas te décourager puis te faire preuve de paresse. Donc tu dois être déterminé. Fais des efforts et il dit ensuite, et s'il t'arrive quelque chose de mal, un malheur, hey, إن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة, c'est-à-dire si tu as tout fait et que après avoir essayé et fait tous les efforts tu n'obtiens pas la chose ou l'objectif voulu et tu n'arrives pas à l'obtenir, ou bien tu te fais dépasser par les événements ou par les choses, ne dis pas فلا تقول لو أني فعلت كذا أي فإن هذا القول لا يجدي عليك شيئا, c'est-à-dire va pas commencer à dire si j'avais fait telle chose eh bien il y aurait eu telle ou telle affaire à la place. Tu vas dire si, hein? Pourquoi? Parce que de dire si, ça va rien changer et ça va rien te servir. Il dit ولكن قل, mais à la place tu dis quoi? قدر الله أي لأن ما قدره لا بد أن يكون والواجب للتسليم للمقدور. Donc tu dis, mais ça c'est ce que Allah a prédestiné, hein? Et ce que Allah a prédestiné, ça doit se produire, hein? Et toi, c'est obligatoire pour toi de t'y soumettre. فإن لو تفتح عمل الشيطان, parce que le fait de dire si, ça ouvre le travail au shaytan. أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر. Donc le fait de dire si, ça ouvre le travail du shaitan parce que tu vas commencer à avoir des soupirs et à avoir des regrets et de la tristesse et avoir aussi à commencer à blâmer la prédestination. Ça, c'est quelque chose qui est mauvais, bien entendu. C'est quelque chose qui est haram. Donc il dit al-ma'na al-ijma'li lil-hadith, le sens général du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le cheikh, ya'muru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith bil-hirs 'ala an-nafi' min al-a'mal wal-isti'anati billahi fi al-qiyam biha wa taraqqub thamaratiha wa yanha 'anil 'ajz لأنه ينافي الحرص على ما ينفع. ولما كان الإنسان معرضا للمصائب في هذه الدنيا أمر بالصبر والتحمل وعدم التلوم بقول لو أنني تركت, لأن ذلك لا يجدي شيئا مع أنه يفتح على الإنسان ثغرة لعدوه الشيطان يدخل عليه منها فيحزنه. Le Cheikh il dit donc que la signification générale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il ordonne de faire preuve de faire des efforts pour y aller dans nos actions pour faire qu'est-ce qui est bénéfique pour nous-mêmes et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'application de ces choses-là, de ces actions-là ou de ces actions-là ou de ce travail, et d'essayer de voir les fruits de cette action-là, qu'est-ce qu'ils vont être. Et il nous interdit de faire preuve de paresse ou de se décourager parce que ça c'est quelque chose qui vient en opposition avec le fait de faire des efforts pour obtenir ce qui est bénéfique. Et également, il faut savoir que l'être humain, il est sujet à être atteint par toutes sortes de malheurs ou de difficultés dans la dunya. Et donc, il doit, il est ordonné d'être endurant et de supporter les épreuves et de ne pas commencer à se blâmer lui-même ou à blâmer le qadar en disant par exemple, oh si j'avais pas fait ça il n'y aurait pas eu telle affaire, ou si j'avais fait ça il n'y aurait pas eu ça, ou ainsi de suite, parce que le fait de dire ce genre de paroles, et de dire si de cette manière, eh bien ça ouvre la porte à son ennemi, le shaytan. Et le shaytan réussit par la suite à entrer par cette porte-là et il fait entrer la tristesse dans son cœur par la suite à cause de ça. Donc il dit مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب أن فيه النهي عن قول لو عند نزول المصائب وبيان ما يترتب على قولها من المفسدة. Donc pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a l'interdiction de dire لو lorsqu'il y a un malheur qui nous touche. Et ça nous explique également les conséquences négatives sur le fait de dire law dans ces situations-là et dans ces questions-là. Le cheikh, il termine donc en mentionnant des points bénéfiques par rapport à ce chapitre. Il dit « Ma yustafadu min al-hadith al-hathu ala l'ijtihad fi talab al-naf'i al-ajil » والعاجل والآجل ببذل أسبابه. Donc le fait qu'il y a une incitation à faire des efforts dans la quête de ce qui est bénéfique pour nous dans cette vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà, et de faire des efforts donc pour faire les causes nécessaires pour obtenir ce qui est bénéfique pour nous. Le point numéro 2, وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة والنهي عن الاعتماد على الحول والقوة. C'est-à-dire l'obligation de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qu'on fait parmi les actions bénéfiques, et l'interdiction de s'en remettre uniquement à notre force personnelle ou à nos moyens personnels, hein, et au travail qu'on fait. C'est-à-dire que même si on fait quelque chose par nous-mêmes, parmi les choses qui sont bénéfiques, il faut mettre notre confiance et demander l'aide d'Allah. Et mettre notre confiance à Allah et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 3, النهي عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب. L'interdiction de faire preuve de paresse ou de se décourager et d'être inactif, de ne plus faire d'action ou d'effort, et de ne pas utiliser les causes et les moyens. Le point numéro 4, إثبات القضاء والقدر وأنه لا ينافي بذل الأسباب والسعي في طلب الخيرات. Donc le point numéro 4, c'est d'affirmer la prédestination et le décret divin, et que ce n'est pas quelque chose qui vient en opposition avec le fait de faire des efforts, hein, et de chercher les causes et de faire des efforts pour arriver à obtenir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien. Le point numéro 5, wujubu sabri 'inda nuzul al-masa'ib. L'obligation de faire preuve d'endurance et de patience lorsque descendent les épreuves et les difficultés. Le point numéro 6, an-nahyu 'an qawli law على وجه التسخط عند نزول المصائب وبيانه ومفسدتها. C'est-à-dire l'interdiction de dire si dans le sens d'être en colère contre ce qui descend sur nous comme malheur. Et l'explication des effets néfastes du fait de dire law, qu'est-ce que ça ramène comme conséquence. Et le point numéro 7, qui est le dernier, التحذير من كيد الشيطان, c'est-à-dire l'avertissement contre les ruses du shaitan, hein. Donc ça, c'est les points, les choses dans lesquelles on n'a pas le droit d'utiliser le terme si. Et en même temps aussi, c'est bon de mentionner, comme le cheikh l'a mentionné, de mentionner law, de dire si dans des choses qui impliquent qu'on a du regret par rapport à des bonnes actions qu'on a manquées. Dans ces choses-là, ça c'est pas interdit. Ou bien d'utiliser si par rapport à des choses qu'on veut faire dans l'avenir. Hein? Dans des choses qu'on veut faire dans l'avenir. Comme si par exemple, quelqu'un dit Donc si j'ai de l'argent l'année prochaine, je vais aller faire la Umrah, je vais aller faire le Hajj. Ou si j'ai de l'argent l'année prochaine, suffisamment, ben, je vais aller au Yémen, ou je vais aller en Arabie Saoudite, ou je vais aller en Égypte, ou dans un pays musulman pour faire la Hijra, ou pour aller étudier la langue arabe, ou étudier la Sharia d'Allah, ou des choses de ce genre. Ou si j'ai les moyens, l'année prochaine, je vais me marier. Hein? Je vais faire des choses comme ça. Donc, ça, dans ce sens-là, de dire si, c'est permis. Parce que c'est des choses qui ont rapport avec l'avenir, et on espère faire ces choses-là. Hein? Et ces choses-là sont reliées à certaines causes, parfois. Et si ces causes-là sont présentes, on va essayer de le faire. Tandis que d'utiliser le terme « si » par rapport à des choses qui ont été prédestinées, qui se sont produites, hein, ça, c'est pas permis. Et si c'est par rapport à des choses qui ont rapport à un malheur qui nous a atteint, non plus, ça, c'est pas permis. Et on a expliqué pourquoi dans le cours. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, on continuera yani, la suite au cours prochain, bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين